Que voulez-vous, Lisette? Je rêve à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Et mamie, revenez dans un quart d'heure, allez! Les femmes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on ne les appelle. Monsieur, il faut que je parle à madame. Mais voyez l'opiniâtre soubrette. Reine de ma vie, renvoyez-la. Retournez-vous-en, ma fille. Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie. N'interrompez point nos fonctions. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Mais, madame... Mais, ce mets-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Oh, le vilain homme! Madame, je vous assure que cela est pressé. Permettez donc, je m'en défasse, monsieur. Puisque le diable le veut, et elle aussi, patience. Je me promènerai en attendant qu'elle ait fait. Ah, les sottes gens que nos gens.